Ouh, que les gens s'embêtent. Moi, je suis la plongeuse du café des sports. Pour moi, écoutez, le plus bête de tous, je crois que c'est le chirurgien en chef de l'hôpital d'en face. Qu'est-ce qu'il est bête, alors, celui-là? Parce que c'est vrai, il a 11 docteurs sous ses ordres. S'il était plus intelligent, il n'aurait pas besoin de 11 docteurs. Ouh, qu'il est bête! Tout le monde sait que c'est Anquetil qui a gagné 5 fois le Tour de France. Il y a sa photo comme ça, au-dessus du bar. L'autre fois, j'ai dit, qui c'est qui a gagné le Tour de France pendant 5 fois de suite? Le Toubibi me répond, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est bête. Parce que moi, avant, j'étais au bar. Mmh. Et alors, il y a ma patronne, une femme très intelligente, parce que elle a des grosses boucles d'oreilles. Une femme, c'est la patronne de la brasserie au Café des Sports. C'est une femme très, très intelligente. C'est une famille très, très bien. Parce que leur fils, qui est un garçon très, très bien, va se marier avec une jeune fille, déjà très, très bien, très intelligente, et qui a une brasserie aussi. Alors, quand ils vont se marier, l'un et l'autre, les parents de elle et les parents de lui, ils vont donner la moitié pour qu'ils achètent une brasserie. Ce sont des gens très, très intelligents. Mais le chirurgien en chef de l'hôpital d'en face, qu'est-ce qu'il est bête, alors? Des fois, il arrive des fois à des 2h du matin, parce que c'est pas des gens sérieux, ils travaillent à n'importe quelle heure. Comment que c'est qu'il dit? Il dit, il fait des urgences. Il est bête, alors. Il parle l'anglais couramment, il parle le russe couramment. Ils l'ont renvoyé. L'hôpital, ils l'ont renvoyé. Il est parti 3 semaines à Vancouver, soi-disant pour faire des conférences. Pas du tout, ils l'ont fichu à la porte. Je crois qu'ils l'ont repris ces jours-ci. Tellement qu'il est bête. Les gens sont bêtes. Des fois, quand il vient à 2h du matin, il fait des urgences comme midi. Alors, il me dit, des fois, moi, j'ai fini de faire mon carrelage. Alors, il vient, il me dit, viens, donnez-moi un café bien fort. Et puis, causez-moi. Ça me décontracte. Alors, j'y cause. Je me moque de lui. Il s'en aperçoit même pas. Tellement qu'il est bête. Pour vous prouver que les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. L'autre jour, il y a une fille qui arrive, c'était Brigitte Bardot. Moi, je la connaissais. Qu'est-ce qu'elle est prétentieuse, hein? Elle était derrière une colonne, au fond du bar. Alors, j'arrive vers elle, je lui dis, c'est toi, Brigitte Bardot, pour voir ce qu'elle allait faire. Elle est prétentieuse. Oh, sans prétentieuse, les gens s'embêtent. C'est toi, Brigitte Bardot? Elle me fait, oui. Alors, j'ai dit, t'as pas une photo? Elle dit, non, j'en ai pas sur moi. Mais si vous voulez, je peux aller en chercher une dans ma voiture. Alors, elle est sortie dehors, sous la pluie. Elle a fait 100 mètres dans sa voiture. Elle est revenue avec une photo. Et j'ai dit, ben, signez-moi. Elle me dit, vous n'avez pas un stylo? J'ai dit, non, j'en ai pas. Et bien, aller en chercher un. J'ai dit, tellement qu'elle était belle. Alors, voilà. Elle est ressortie sous la pluie, elle est revenue avec un stylo. Puis elle m'a dit, quel est votre prénom? J'ai dit, Zezette. Alors, elle a écrit pour Zezette. Vous avez de la chance. Le royaume des cieux vous appartient.